1987, Midnight Oil nous offre le magnifique Put Down That Weapon. Ce soir, nouveau thème dans Pop and Rock. J'ai décidé d'appeler ça les premiers albums pépites. Ouais, parce qu'il y a des groupes qui sont comme ça, ils nous font un premier album, boum, déjà en plein mille. Alors là, je pense à des groupes comme U2, comme Téléphone, je pense aussi à des filles comme Tracy Chapman. Mais ce soir, c'est Noir Désir qui va nous offrir sa première pépite. On est en 87, Chirac forme son deuxième gouvernement, Mitterrand est toujours président, et Noir Désir nous offre un truc comme ça. Je le dis, tout reste encore indéterminé. Oh, mais rappelle-toi, Barbara, que tu ne t'appelles pas comme ça. Ça peut servir pour les sauveurs. En 87, j'ai loupé le Noir Désir. Ce premier album, j'ai découvert simplement en 89 lorsque Noir Désir a sorti son deuxième album. En 87, j'écoutais plutôt la Mano Negra, alors que Noir Désir proposait sur la seconde piste de son premier album le morceau Toujours être ailleurs. Mmh. Et on est nombreux à pleurer la fin du groupe Téléphone, même si leur dernier morceau, pour moi, c'était pas vraiment du Téléphone. Mais on était donc nombreux à être les orphelins du rock, après avoir été les enfants du rock, malgré des groupes comme La Mano Negra et Rita Mitsuko qui commençaient à tourner. 86, c'est d'ailleurs aussi la fin d'un groupe que j'adore, Taxi Girl. Orphelins du rock, je vous dis. Et grave, on avait la rage. Shadow et oublier les mots des salons. Et... Soyez Dans Pop and Rock avec la première pépite de Noir Désir. Alors pour replacer 87 dans son contexte, il faut se rappeler que c'est l'ère des enlèvements de journalistes au Moyen-Orient avec Beyrouth en 87, Roger Hawk qui sera enlevé. C'est aussi l'époque des premiers parcs de loisirs en France, le Futuroscope et les accords pour l'installation de Euro Disney. Et visiblement, ça donnait des envies pyromanes à Noir Désir. Thank you. 87, premier album de Noir Désir, 7 titres, 7 pépites. Et pendant que certains pleuraient la mort de Dalida et que des requins perdaient leurs dents suite au crash boursier de Wall Street, Noir Désir dansait avec Maria, mais aussi avec Lola. Maria s'endort, limite le mort. Les petits anges bleus lui sucent les yeux. Écoute-moi maintenant et on va choisir. Elle a dit, on fera tout. Accordez-nous une heure ou deux pour glisser sur la tranche des lames, mais sans bien sûr blesser les âmes. Maria sort des décombres, commence à bouger ton nom. Danse sur le feu, Maria. Cravate menteur qui nous ferait un dresseur de normes, fils de mort. Vous perdrez la tête et vous perdrez les os. Sale petite bête, sortez de vos bords. Accordez-nous une heure ou deux pour glisser sur la tranche des lames sans bien sûr blesser les âmes. Maria sort des décombres, commence à bouger ton I'm

tu peux te perdre du côté du fleuve. Il te calmera jusqu'à ce que tu ne puisses plus respirer. Comme elle est belle. Des histoires sombres, des paroles qu'on reconnaît facilement, des rythmiques et une voix qui vont devenir la référence des petits-enfants du rock. C'est ça le deuxième album de Noir Désir. Vous avez connu ceux qui, dans un élan de poésie mal contrôlée, à 100 à l'heure sur les boulevards, sur les banquettes de Moleskine, en s'en remettant au hasard, sans plus se soucier de Lénine, c'est à l'arrière des taxis. C'est à l'arrière des taxis. Tant que les heures passent. Tant que les heures passent. Peu importe les années et peu importe les villes, c'est Paris, Moscou, Berlin, Berlin, l'enchant. Déjà vieux règne de l'électricité, partout même sous nos peaux. La cicatrice au néon et les égouts qui débordent, en pensant à Lili Brick et Vladimir Mayakovsky. Il s'est mis à l'arrière des taxis. Il s'est mis à l'arrière des taxis. Tant que les heures passent. We'll be right back. ceux qui ont porté par leur fantaisie ludique. Mais en pensant à Lili Brick et Vladimir Mayakovsky, leur sourire à peine éteint et laissant Valcroix de leurs mains, leurs mains qui glissaient sur leur skin, se perdaient sur la Moleskine. Ils s'aimaient à l'arrière des taxis. Ils s'aimaient à l'arrière des taxis. Que les heures passent. Tant que les heures passent. Tant que les heures passent. Tant que les heures passent. Noir Désir est devenu un peu la référence des petits-enfants du rock, c'est qu'à la disparition de Téléphone, il n'y avait plus grand monde pour reprendre le flambeau. Hein. Noir Désir s'est aussi démarqué à cette époque-là par ses prestations dans les années 80, donc sur scène notamment grâce à son lead guitar, Serge Tessoguet. Les années 90, pour moi, c'est un peu moins convaincant sur scène. Par contre, les albums de Noir Désir vont se succéder toujours avec la même bonne grosse qualité. Allez, on reste sur le deuxième album de Noir Désir et on enchaîne sur RVR avec Sweet Mary, piste numéro 6 de l'album numéro 2 de Noir Désir. She's always smiling on her golden bed, lying under ghosts and coals. You can tell what sleep Mary, sweet Mary. Sweet Mary. turns off if you call her name. Back to the wasted ocean, you can't always slip away. Sweet Mary, sweet Mary, they're waiting for you, they're waiting for you, God, they're waiting for you, they're waiting for you. Allez, quelle belle aventure que celle des Noirs Désirs dans les années 80-90. Mais comme beaucoup de groupes de rock, la fin sera tragique, voire très tragique. Mais bon, restons juste des petits enfants du rock français. Et je vous propose une triplette avec donc Noirs Désirs toujours, trois morceaux du deuxième album, La Chaleur. On enchaînera avec Les Écorchés. Et le troisième morceau de la triplette sera The Wand. C'est le soir, le vent se lève. Dans les rues, la loue, la poussière vole. Un c'est l'heure où vont danser. Ce que la chaleur ne peut laisser, c'est un endroit où on voit courir dans les veines. Cette chaleur, elle m'arrive, guise son regard. Elle a vu ce qui vient de nulle part. Elle a crispé la main sur la lame. Attention à la blessure, madame.

mort d'Easy Is Dead. Alors vive le nouveau rock français. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous et en route pour la joie. Qui a fait sauter le pont, qui avait disposé du ciment sous les plaines, qui savait au début qu'il y aurait une fin, qui êtes-vous messieurs dames pour me parler comme ça? Gelé encore du givre au bord des lèvres, mais où sont les mots secrets? C'est des bornes d'hôpital, c'est des couloirs en vrac, du néon malicieux et de la douche en lac.